regarde le monde partir en couille et les banquiers jubilés. Si l'État fournit la vaseline, qu'il aille se faire enculer. Ouais, on est pendu par les yep et on se fait secouer comme des buts. Traverse la route et trouve du taf, il y a que la misère qui recrute. Putain, ce sont pas rap en radio, mais je garderai ma dignité. À l'heure où beaucoup dans ce mouvement préfèrent sucer l'Elysée, on dira encore une racaille qui fait sa révolution. Hein, qui prétend faire du rap sans prendre position. Regarde le monde dans ton écran, mais la vision est brouillée. Les médias mentent et nos aveugles, et toi tu préfères zapper. Prise de conscience agressive quand la vie nous met des baffes. Mais on se dira la merde de Steve que la police fait son taf. À l'heure où la France assassine une démocratie cramée, sous couvert de l'IGPN, tous leurs crimes seront camouflés. On est à 10 milieux de savoir ou comprendre qu'il manigance. Elle balance un autre violon, on fera swinger la violence. Faut que ça pète, mec, ça fait longtemps qu'on subit ça. La haine attire la haine et l'essence attire le vaillant. Faut que ça brûle, brûle, il est l'heure de la vendetta. T'as capté le message, mais as-tu capté le constat? Faut que ça pète, mec, ça fait longtemps qu'on subit ça. La haine attire la haine et l'essence attire le vaillant. Faut que ça brûle, brûle, il est l'heure de la vendetta. T'as capté le message, mais as-tu capté le constat? On pensait avoir touché le fond, mais tous les 5 piges, ça empire. On choisit pas le meilleur, mais on vote pour esquiver le pire. Pour trouver le guignol qui viendra apaiser la France, qui fera de belles paroles au peuple pour nous la mettre à outrance. Perdu entre les griffes du mal, au seul l'argent nous dirige. Tous les jours se plaint de cette vie, mais la subir depuis 30 piges, poteau. Je crois qu'il est temps de se révolter, on n'obtient pas de fumée sans feu. Depuis 2005, on nourrit la presse entre keuf et banlieue. Ouais, faut que ça pète, frangin. Pour notre avenir, il faut qu'on veuille. T'as fait pour un salaire de merde qui paye la chimie ou le cercueil. Dirigé par des joueurs de flûte qui nous mènent à l'abattoir. Et si on pense niquer le système, c'est qu'on les rate laboratoire. On est des moutons dans leur parc, on est des pions dans leur jeu. On rêve de voir tout le ministère, une balle entre les deux yeux. On est à 10 milieux de savoir ou comprendre ce qui manigance. Eh, Flozy, qu'on voit le refrain, on fera swinguer la violence. Faut que ça pète, mec, ça fait longtemps qu'on subit ça. La haine attire la haine et l'essence attire le vaillant. Faut que ça brûle, brûle, il est l'heure de la vendetta. T'as capté le message, mais as-tu capté le constat? Faut que ça pète, mec, ça fait longtemps qu'on subit ça. La haine attire la haine et l'essence attire le vaillant. Faut que ça brûle, brûle.